Et bon, s'il y avait possibilité, je venais seulement. J'étais sûr que vous devez prendre. Et quand tu es un avocat, tu passes, tu. Bon, bon, bon. J'étais pressé pour aller à l'église. Mais le temps que. L'église catholique, là. Oui. Tu as fait le tour, tu as fait des palmes, là. Mais tu es vraiment engagé. Engagé. Ouais, ouais. On a dit que les tours de palme là, ça vous fait quoi? Ça, c'est le tour de palme, c'est quand Jésus descendait à Jérusalem. Non, ici c'est Jérusalem. Tu fais ça ici, c'est Jérusalem ici. Non, mais on fait la commémoration. Donc, okay, quand Jésus est rentré à Jérusalem. Quand Jésus est descendu à Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé? Et le temps l'a payé avec ça, non? Avec le tour de palme, hein? Oui. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. C'est avec ça que le temps l'a payé. Vous avez vu ça où? Dans le oui, film où? Dans la Bible. Dans la Bible. Si c'est pour la Bible, vous pouvez monter dedans. Oui. Mais pas la Bible. C'est moi que tu peux le chapitre. Non, si j'avais mon calendrier de physique. Oui. Je ne vais pas vous montrer. T'inquiète pas, je vais te montrer, ça s'écrit. Ah. C'est qu'on ne donne pas de mail. Ouais. On dit comme ça. Elle est tombée, mon ami. Voici ma Bible top. Tu as vu, non? Oui, oui. T'as joué. Yeah. Ne t'inquiète pas, j'ouvre Matthieu. C'est dans les évangiles, non? Oui, oui. J'ouvre Matthieu. Là où, là où on parle que Jésus est entré à Jérusalem, non? Oui, oui, avec l'agneau, là. Il a envoyé ce ciel. L'agneau? Oui. Le l'âne, non? L'âne, oui. Il a envoyé ce ciel, l'âne. Il a détaché l'âne. On a détaché l'âne, il est venu, on a habillé l'âne. C'est Jésus qui l'a monté. Oui, madame. Avec le truc palmier, là. Les palmiers là. Oui. Tiens, l'autre en ligne. Tu dis en anglais ou en français? En français, c'est tout. Ok. Bon, ici on dit entrée messianique à Jérusalem. Ça, voilà. Ça c'est top. C'est ça. Moi, on dit la même Bible. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et arrivaient près de Bethphagé. Au mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Voilà. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-la et amenez-les moi. Si quelqu'un vous demande. Oui, dites quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et il les laissera aller tout de suite. Voilà. Cela arrivera pour que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, humble et monté sur une ânesse. Et sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples s'en allaient et comme Jésus le leur avait prescrit, ils amenaient l'ânesse et l'ânon. Puis ils disposaient sur eux leur vêtement. Et Jésus s'assit dessus. Voilà. Le peuple en foule, c'est toi même qui vas lire maintenant. Le peuple en foule étendit ses vêtements sur la route. Certains coupaient des branches aux arbres et en jonçaient la route. Oui. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui le suivaient criaient « Hosanna, Hosanna, fils de David, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, Hosanna au plus au-dessus. » Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. « Qui est-ce » disait-on. Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Voilà, ça c'est la tombe. Oui. Où est-ce que l'on va parler de l'amour? C'était quoi? Non, dans ma Bible c'est écrit. Ça c'est pas la tombe ici. C'est pas la même tombe. Attends, il y a un endroit où on écrit Rameau. Puisque même ici là où on a dit, c'est un peu, les paroles sont souvent un peu pour le. On a parlé de. On n'a pas dit Rameau. Mais on a utilisé un autre terme là, je ne sais pas, je vais bien regarder, je vais vous dire prochainement. Bon, ici on a d'abord dit quoi? On a dit que ceux-ci ont coupé quoi? Ils ont coupé. Ici c'est. Les arbres. Certains coupés. Des branches aux arbres et en jonchées là-haut. Non, oui. Okay. C'est quel genre d'arbre? Mais on a dit arbre, ça veut dire que n'importe quel arbre, ça veut dire que c'est le manguier. Parce que après, c'est seulement les rameaux, hein. Ah. Si on ne trouve pas les rameaux, soit les feuilles de l'arbre de paix là, tu peux couper. Donc même pour le papayer par exemple? Oui, tu peux couper. Même pour le manguier? Oui. Mais je n'ai jamais vu cette fois que tu vis le rameau. Bon, et on n'a pas dit fête des branches d'arbre. Oui. On a dit fête des. Des. C'est fête des. Ce que vous faites, c'est fait des. Des rameaux. Comment tu peux dire que vous faites des rameaux, on appelle l'arbre de paix. Dans le même temps, c'est sérieux aussi. Tu as vu dans votre église, tu as vu quelqu'un avec un autre style d'arbre que le rameau. Non. Comment tu me dis? Mais il y avait l'arbre de paix. J'avais vu l'arbre de paix. L'arbre de paix. Oui. Bon, il y a l'arbre de paix en Israël. Ce que vous appelez l'arbre de paix, il y a seulement en Israël, toi aussi. Mais donc, ça représente. Non, ça veut dire que quand on dit l'arbre de paix, ça représente toujours... Le rameau. Oui. Bon, maintenant, la deuxième chose qu'on a dit, c'est qu'on avait coupé son âge, jeté ça en route, il a traversé dessus. Les gens ont ramassé pour partir avec. Vous faites quoi avec ça? Quand tu as fini, quand tu es rentré avec ta maison, tu as fait quoi? C'est juste. Ça, c'est dans la maison. Oui. Vous, ça fait quoi? C'est avec ta forme dans les cendres. Si, c'est normal. On a fait ça avec les... C'est que Jésus a fait ici, là, les disciples ont fait comme ça, là. Jésus a traversé, ils ont pris ça pour faire quelque chose avec. Bon, je peux parler en anglais. Oui. Do you know what I'm trying to say? Je sais comprendre. Ok, ce que je suis en voulant dire, c'est que il faut vérifier si c'est qu'on vous dit vraiment, c'est ce qu'on a écrit dans la Bible. Parce que c'est pas ce qu'on a écrit dans la Bible, c'est ce que tu en as fait là. Tu en as su les gens par Jésus. Viens, te montre quelque chose. Viens. Regarde dans le chapitre 15. Dans le chapitre 15, on dit controverse sur la tradition. Alors, les pharisiens et les scribes de Jérusalem s'avançaient vers Jésus et lui dit, quand il dit les pharisiens et les scribes, ce sont ceux qui lisaient la loi. Mm-hmm. Ils écrivaient, ils enseignaient au peuple. Mm-hmm. Lui dit, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Mm-hmm. Quand on parle d'une tradition, c'est quelque chose qui est une coutume qu'on a installé. On a installé, vous voilà. Et en effet, ils ne lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Mm-hmm. Ils leur répètent, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au nom de votre tradition? Mm-hmm. Donc, il y a ce que Dieu a dit. Mm-hmm. Il y a ce que les gens des dignités de l'église ont dit dans la Bible. Donc quand tu vois ça, est-ce que tu as lu quelque part où les disciples fêtaient la fête de rameau? Non, il n'y a pas. Mais dans ce cas, vous imitez qui? Ce que vous faites là, vous imitez qui ou juste? Tu vois qu'on est là, mais, je te donne la chaise. Quand on parle de la fête des rameaux, donc vous voulez absolument que ce soit écrit la fête des rameaux, qu'on le fait. Bon, la Bible dit que je ne comprends pas. Il a voilé l'agneau, comme on a dit. Non, il n'y a pas de problème, il y a la non. D'abord, si vous voulez faire ce qu'il faut faire, d'abord, il veut nous ce que la Bible dit d'abord. Là, c'est là où la Bible finit. Ici, quand la Bible finit, voici là où la Bible a fini. Mm-hmm. Au chapitre 22, le verset 19 dit quoi? Le verset 19, ça va être pas derrière. Toi, mais lis le verset 18 et 19. Là, c'est ça ici. Mm-hmm. Tu vois ça? Mm-hmm. Lis alors. Là. Je l'adresse à quiconque entend les paroles prophétiques de ce livre. Oui. Si quelqu'un y ajoute, Dieu lui ajoutera le fléau décrit dans ce livre. Entendu. Mm-hmm. Donc ça veut dire que tu ajoutes quelque chose. Tel que les choses ont été dites là, c'est comme ça qu'on doit vivre. Regarde encore ici. Je ne sais pas s'il y a des tournants, mais voilà, des tournants. J'avais lu ça quelque part un jour. C'est tort vraiment. C'est tort. C'est pas ça. Regarde, quand Moïse avait fait sortir des juifs, regarde, ici, la portion, c'est ma portion. C'est ta petite portion. Qu'est-ce qu'on dit? Le temps de la loi. Mmh, allons-y. Et maintenant, Israël, écoute les lois et les coutumes que je pose à toi, moi-même, à mettre en pratique. Mmh. Ainsi, vous vivrez et vous entrerez prendre possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Oui. Vous n'ajouterez rien aux paroles de commandement que je vous donne et vous n'y enlèverez rien afin de garder les commandements du Seigneur que Dieu que je vous donne. Donc d'après tout ce qu'on a de lui là-dedans, Dieu veut que quand il a dit quelque chose, on fait tel que c'est écrit, et sans rien y ajouter, sans rien y retrancher. Donc toi maintenant, en tant que responsable ou bien chrétien, comme Dieu dit, tu es chrétien croyant, sache que les choses... Donne-moi un peu. Oui, je vais donner un peu la feuille. Je vous écris tout ça. Si vous voulez, chaque fois, si le jour où vous êtes libre, vous voulez qu'on en parle, vous apportez plutôt votre Bible. Comme en soirée, je suis là. Si vous voyez la Bible, le truc dehors, vous voyez la voiture de ma femme là. Si la voiture est dehors, là, c'est que je suis là. Si vous voulez, je vous donne tous les versets là. Il y a aussi Deutéronome 4, verset 1 à 2. Il y a aussi Proverbe, c'est-à-dire la même chose, Proverbe, chapitre 30, versets 5 et 6. On a lu Apocalypse tout à l'heure. Apocalypse 22, verset 18. Voilà. Maintenant, je te montre une dernière chose. Parce que on a lu aussi Matthieu pour la tradition. On a parlé des gens qui obéissent la tradition. Les commandements de Dieu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, dans l'escatologie, on appelle les dogmes. Les dogmes, ce sont les choses que le pape a installées. Vous avez ce qu'on appelle le catéchisme. Le catéchisme catholique, il y a des règles. On dit que, par exemple, le curé ne doit pas faire la confirmation. La confirmation, c'est l'évêque qui veut faire. Mais en cas de danger de mort, c'est ce que le truc dit. En cas de danger de mort, le curé peut faire, mais il doit faire le rapport à l'évêque. Maintenant, comme on est dans Exode, dans Deutéronome, regarde, après Genèse, il y a Exode. Je veux que toi-même, tu me lises ici. La portion ci, que tu me dis ce que ça dit. La portion ci. C'est le terme de l'alliance. Oui. Et Dieu prononça toutes ses paroles. Oui. C'est moi le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Oui. Tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui est la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut. Oui. Sur terre ici-bas, oui. Ou dans les eaux, sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ce et tu ne me serviras pas. Oui. Car c'est moi le Seigneur ton Dieu, un Dieu jaloux, recevant la faute des pères chez les fils. C'est toi et quatre générations. Voilà, c'est bon. Maintenant, d'après ce que tu as lu là, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit que on ne doit pas se prosterner devant quelqu'un dehors de lui. Oui, et surtout devant des statues. Qu'est-ce que tu constates? Voici ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que les hommes font? Les hommes font comment? Il dit que qu'est-ce que les hommes font? Quand tu constates, quand tu pars aider à l'évêché là-bas en route, tu as vu la grande statue qu'on a faite? La statue de qui? La statue de Jésus. Oui. Et ça, c'est normal. Ah! C'est pas normal comment? Regarde encore. Attends. Oui, là, je suis pas d'accord. Non. Parce que quand on voit une statue de Jésus-Christ. Oui. Il a dit qu'il ne faut pas se prosterner devant les. Quand il parle de statues, ça veut dire quoi? Quand il parle des idoles, ça veut dire quoi? Comme par exemple, quand Moïse est allé, il a laissé le peuple, il est allé. On a fait le serpent là. Oui. C'est là où on est parlé. Mais une statue qui représente Jésus lui-même, comment ne pas se prosterner devant lui? Bon, je pose la question. C'est un peu, attends, ne t'écoute pas ma parole. C'est un peu comme peut-être quelqu'un est. La photo de ton père, oui. Il est mort, c'est avec cette photo que tu prends souvent. C'est comme si c'est la même personne devant toi. Non, c'est pas la même chose. Bon. Moi, je ne vois toujours pas du mal à cette. Mais là, de toi, honnêtement, à moi, qui a vu Jésus parmi nous sur la terre pour représenter comme ça? Qui? Bon. Tu as remarqué que pour la Vierge Marie, tu as remarqué qu'il y a les statues noires. Tu sais ça au moins, non? Il y a les Vierges noires. C'est-à-dire que c'est. Bleu, hein? En bleu. Que ce soit bleu. Marie était bleue. Là, je sais pas. Ah, non, il y a un problème. Les gens qui l'ont. Ah, mais attends, quel genre de vie? Est-ce que le temps de Jésus, les gens qui sont de faire ça, quand tu peux voir les gens qui font les. Sûrement, il y a quelqu'un qui les a fait. Donc, depuis 2000 ans, il y a quelqu'un qui l'a vu, il a filmé. Il n'y a pas d'appareil photo. Il n'a jamais eu cela. Mais c'est qu'on a des bêtises ici, regarde. Si on rentre dans Deutéronome 4, non, vous pouvez noter. C'est Exode chapitre 20. Dans Deutéronome, on va encore le donner, c'est même Deutéronome tout à l'heure, qu'on est rentré au chapitre 4, parce que c'est là où il avait donné l'avertissement. C'est moi qui vais vous lire cela, Deutéronome au chapitre 4. Tu avais noté c'était ici. Maintenant, ça c'est le verset. Maintenant, le verset 14 maintenant. Verset 14 et pour. C'est juste ton grand client, non? Mais j'espère que tu vas tout acheter la tête là. Tout l'acheter, ça peut coûter combien? Parce que là, quand je reste là. Non, mais c'est ça, c'est la parole de vie, non? C'est ça, mais. Voilà, il faut. Bon, je vais prendre la partie verset 14. Et à moi, le Seigneur m'a ordonné de vous apprendre les lois et les coutumes pour que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez passer en possession. Maintenant, il dit, prenez bien garde à vous-même. Vous n'avez vu aucune forme le jour où le Seigneur vous a parlé à Horeb, du milieu du feu. N'allez pas vous corrompre en vous fabriquant une idole. Une forme quelconque de divinité. L'image d'un homme ou d'une femme. Tu as bien suivi ce qu'il dit. C'est la top ça. L'image de n'importe quelle bête de la terre ou de n'importe quel oiseau qui vole dans le ciel. L'image de n'importe quelle bestiole qui rampe sur le sol ou de n'importe quel poisson qui vit dans les eaux sur la terre. Ne va pas lever les yeux vers le ciel, regarder le soleil, la lune et les étoiles. Toute l'armée des cieux était laissée entraîner à te prosterner devant eux et de les servir. Ils ont été faits par le Seigneur ton Dieu. Pour tous les peuples qui sont partout sous le ciel. Mais vous, le Seigneur vous a pris et vous a fait sortir de l'Égypte cette fournaise à fondre de fer pour que vous deveniez son peuple, son patrimoine comme vous l'êtes aujourd'hui. Donc Dieu veut à tout prix, comme Jésus avait dit, c'est le verset 14 au verset 19. dans Jean chapitre Deutéronome 4, tu l'as écrit, c'est Deutéronome 4, tu peux écrire et verset 14 à 19. Tu vois, dans Jean chapitre 4, Jésus va rencontrer une femme samaritaine au côté du puits. La femme va lui dire que vous, les Juifs, vous dites que on adore plutôt à Jérusalem. Alors que nous, nos pères disent qu'on adore sur la montagne. Jésus leur a dit, femme, crois-moi, lève, viens. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en est. L'esprit, Dieu est esprit, c'est-à-dire que Dieu n'a pas de forme. On n'a pas besoin d'adoration. Donc, Dieu veut quelqu'un. Il dit que ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Donc, Dieu est esprit. Il fait qu'on adore en esprit. On n'a pas besoin d'un support pour tester Dieu. D'abord, s'il y avait, c'est parce que tu es allé le voir. Si tu veux le soir, tu viens. Tu prends, parce que j'ai le compétitum de l'église catholique, officiel de l'église catholique. Je te montre quelque chose. Tu connais ce qu'on appelle la Regina Cheli, le cantique de la Reine du Ciel. Cantique de la Reine du Ciel. Tu connais cela. Quand tu lis ça, tu prends le réjouis-toi, Alléluia. Reine du Ciel, Alléluia. Parce que celui qui t'est fini a été ressuscité. Réjouis-toi, Alléluia. Sainte Vierge. Donc, ça veut dire que la Reine du Ciel, d'après ce qu'on a dit là-bas, c'est qui? Dans le cantique, là, ça veut dire que le cantique, le règne du ciel, c'est qui, selon toi? C'est la Vierge Marie. Tu vois que si tu lisais la Bible, tu devais savoir si la personne qu'on appelle règne du ciel, tu vois que ce n'est pas Vierge Marie. Il te montre aussi ça. Jérémie, non, Jérémie. Attends. Donc la règne du ciel n'est pas la Vierge Marie. C'est simple. C'est mieux qu'on lui va. Si tu fermes la Bible, tu parles, tu vas dire que c'est ce qu'ils ont menti. Quand toi, tu vois les tes propres yeux. Justement, c'est là où je t'en ai dit qu'il faut vérifier si on t'a enseigné la tradition ou bien la parole, parce que la parole de Dieu. Et j'ai pris la version catholique. Il y a la version qui met le jour là-bas aussi. Là-bas, quand il parle avec le jour, c'est la version qui est propre. Maintenant, parce que j'ai pris le 7 de Jérémie. On va lire le verset. Regarde. Il dit, toi, n'intercède pas pour ce peuple. Ne profère pas en leur faveur, ni plainte, ni supplication. N'insiste pas auprès de moi. Je ne t'écoute pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent des fagots. Les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour faire. Je veux que toi, tu lises. La reine du ciel. Oui. Vous répandez des passions à d'autres dieux et ainsi vous m'offensez. C'est quoi, maman? Non, ça va. Donc, Dieu dit que quand vous servez la reine du ciel, vous. Chapitre 7, verset 16 à 19. Chapitre 7, oui. Verset 16 à 19. Tu vois cela? Donc, tu peux, dans le verset 44, chapitre 44, ça se trouve encore. Donc, en fait, la reine du ciel, oh, remarque, on a parlé de Jérémie. Jérémie, c'est quelqu'un qui a vécu longtemps, 700 ans avant que Jésus-Christ lui-même vienne. Et on parlait déjà de la reine du ciel. Et donc, ça veut dire que, oh, si Jésus est venu 700 ans avant, Marie n'était pas sur la terre à ce moment-là. Nous sommes d'accord. Au temps de Jérémie, Marie n'était pas là. Jérémie est venu, il est mort depuis 800 ans avant que Jésus est né. Bon, c'est pour ça que je voulais attirer ton attention, au temps de Jérémie, Jésus était déjà. Non, physiquement, il n'était pas là. Avant même Jérémie, Jésus est le créateur. Physiquement, oui, c'est vrai. Jésus n'était pas là. Voilà, nous parlons de Jésus qui a marché sur la terre. Oui. Voilà. Parce que c'est pour qu'il marche sur la terre, il faut qu'il sorte d'une femme. Mm-hmm. Or, à ce temps-ci, cette femme-là, elle-même n'est pas née. Même son arrêt grand-père n'est pas encore né. Donc ça veut dire que la reine-là, qu'on passe, n'est pas mariée. C'est une démon. Voilà, salut-moi, tu as bien compris. Bonne journée alors. Bonne journée. Bonne journée. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, les avocats, donc, pour 500. Non, tu peux aller avec la différence. Tu peux aller avec la différence le jour. Tu as 500, tu viens. Non, ok. Quoi que tu n'arrives pas encore. Il est tellement pour l'oublier. C'est les trois qui font 500. Tu veux que ma femme vienne me chasser de la maison, non? Elle va comprendre que je dis c'était mauvais. J'ai seulement serré le cœur. Que tu as beaucoup d'avocats, on s'amène dans ce monde, tu vois. C'est ça que les gars, nous savons que d'avocats, sinon, ça va m'envoyer au bilan. Tu sais pourquoi quand les gens achètent la télévision, on met ce qu'on appelle les. Il y a le télécommande. Même que ce soit la télévision, n'importe quoi, même le médicament que tu achètes, à l'intérieur, on met un papier. Tu sais à quoi sert ces papiers? Pour savoir comment utiliser. Comment utiliser? C'est la notice. Tu peux acheter un médicament, tu commences à prendre comme ça parce que tu connais, parce que tu peux prendre comme ça que la proportion que tu prends, ça te tue. Justement. Tu penses que Dieu a mis les gens sur la terre. La notice qu'il a donnée pour les gens, c'est quoi? C'est la Bible. Maintenant, tu te vois là, tu sais la reine du ciel, chaque fois, tu ne sais jamais ce qui est la reine du ciel. Et beaucoup de personnes sont comme ça dedans. Donc, on suit plutôt les gens. Or, quand les gens, Jésus parlait à ces pharisiens-là, Il dit, il les appelait race des vipères. Il dit, vous mettez le joug sur les gens, vous ne portez pas. Ce sont des conducteurs, ce n'étaient pas les francs-maçons ou quoi. Ce sont eux qui partaient au temple pour lire la Bible. Mais Jésus vient dire que vous mettez le joug sur le peuple et vous ne portez pas vous-même. Donc les gens qui conduisent le peuple, c'est eux que Jésus appelle race des vipères. Alors que ça veut dire que cette personne-ci se trouvait au milieu de l'église et c'est eux qui obstruaient la voie des gens à l'église, aux gens qui devaient marcher. Donc toi, tu n'as pas regardé ce que le prêtre a de faire. Tu dois maintenant toi-même, parce que tu as ta Bible, vérifier que ce qu'on a été dit là-bas, c'est ce qu'il a passé. Si ce n'est pas ça, tu dois quitter. Parce que si tu as la notice, tu dis que non, ce qu'on a mis, ce n'est pas ce qu'il a fait, tu commences à tolérer, tu bois, tu vas voir ce que ça va faire dans ton corps. Et là, maintenant, ça peut être difficile plutôt le corps. Mais pour Jésus, il ne doit pas venir dire que non, c'est parce que tu étais ignorant. Non, parce que non. La Bible déclare qu'il a prescrit ses ordonnances pour qu'on les observe avec soin, comme on a vu là-bas. Et chaque fois que les juifs ont désobéi, il les a frappés. Donc ça veut dire que tu dois seulement vérifier. Maintenant, ok, je suis catholique. Catholique confirmé, baptisé, ainsi de suite. Je dois vérifier ma fondation si je suis conforme à la Bible. Si tu n'es pas conforme à la Bible, si tu sois serein avec les prêtres, ce n'est pas eux qui vont juger, c'est Dieu qui va juger. Donc pour savoir si tu es serein avec Dieu, vérifie seulement si ce que tu fais est dans la Bible. Si ce n'est pas dans la Bible, éloigne-toi. Bonne journée. Vous êtes bien matiné. Ah, qui te bénisse, d'accord. Bon marché, hein.